volumen 2. Con todos vosotros, el hombre sin sentido. La pizza matada. Yeah, man, original songs. Yeah, see, booyah. If I rock up all the massive, besides truth, but all the mother, man. Peace and move. Viens toutes ces histoires qui t'ont inspiré. Comme si la vie ne serait qu'un pochoir, calquer ton idéal. Recouper l'œuvre de tes idoles, en faire ton récital. Tiens ta petite personne comme la gauche dans mes parties génitales. Est-ce le reflet qui te ressemble? Jouer ce bonhomme dépourvu d'ordre et de morale. Si la norme est à la virulence, t'as l'animosité, usité par toute forme de violence. Un réel texte, c'est cadence, devine des terrains de chasse. Quand t'incites une mineure, c'est peut dépenser moins chasse. T'as l'évidence, t'as le charisme d'un crooner. La prestance peu d'honneur, mais l'attitude d'un soupleur. Tu fais l'article sur ta banque, qui passe ses discours par les armes. En face, la police abandonne tout un discours dans les classes du méritueux. Paraît que t'as rien à faire dans le parcours classique. Pour te résigner, sur ta rêve, faut pas les signer. J'ai certaines suisses pour la maille que t'as pas. La caisse que t'as pas, la marque que t'as pas. Si j'oubliais, tu portes tes slips à papa. Et ceux qui mentent pour une étreinte se vendent, pour une crainte vendre. Et ceux qui chantent pour la contrainte tente. D'être un temps, t'aimes t'exhibes en général. Mec, mais la dérive, c'est que les autres fassent en ton image. Tu cherchais le crédit, faisais dans des scènes en nuages. Mec, ta vie en plein, jette tes bagages, jette ton ami. I'm gonna them, I mean, no one you see me turn the eye. I'm gonna bond them, I mean, no one you see, no. No shaka, no one see more than man. We not let them, they wanna put head to man, so we knock them. Toujours timide, toi tu t'agites trop. Je vois bien que tu sais parler. Juste parodier les gens qui agissent. T'es impressionnable, tu fais plagier. Mec, t'as donné naissance à des plans qui sur papier. Vrai bon livre pour l'adolescence. Tu te ridiculises quand tu te déguises en marchant. Veux investir mon argent, conclure des vises en marchant. Va tête ton Nike et même mon mic, car tu brilles. Sur la tombée dans les nightclubs, pareil tu me grilles. J'appuie tes bites au méhabile, tiens je t'ai mitonné un deal. Après avoir entendu dans tes chansons que tu vends des kills. De tes coups on retient le vent, des discours bien opaques. Depuis toujours tu tiens le vent, je tombe les gants. Et pour le tac, va falloir bouger, vite tes pèses qui t'achèvent. Tu veux jouer à l'homme, comme ce reflet soigne ton image. Vois t'aimes t'exhibes en général. Bête, mais la dérive, c'est tes autres façons ton image. Tu cherchais le crédit, faisais dans des scènes en nuages. Mec, ta vie en plein, jette tes bagages, jette ton ami. I'm gonna bond them, I mean, no one you see me turn the eye. I'm gonna bond them, I mean, no love you see, no. No shaka, no one see more than man. We no let them, they wanna full head come on. So we knock them, so we knock them. Na money, na vanity, na boom boom. Na funny, na lay, na boom boom. Na hobby, na tag phone, na boom boom. So if if you na wish you was see, don't give them problem, them all far down. Na ya so boom man, all the stuff no come. All the stuff no come, see ya so come tell them hey. On voit que tu mets tout dans le style, crois contrôle ton image. On te suit depuis long time en rigolant. Joue les richesses que tes talents pigeonnent. On joue le bad, le mec violent, t'es brave quand picolant. On voit que tu mets tout dans le style, crois contrôle ton image. On te suit depuis long time en rigolant. Joue les richesses que tes talents pigeonnent. On joue le bad, le mec violent, t'es brave quand picolant. La money, la vanité, la boum boum. La funny, la lay, la boum boum. La hobby, la tag phone, la boum boum. So in me, hey. If you know we say what's it.